Nous sommes nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons dire « Notre Père qui est aux cieux ». Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. L'autorité des enseignements de Jésus étonnait les chefs religieux de son époque, et les miracles qu'il exécutait émerveillaient les témoins. Or, le fait que Jésus fasse constamment référence à Dieu comme étant notre Père surprenait le peuple au moins autant que ses autres actions. Les gens considéraient cette façon de voir Dieu assez particulière. Ils ne s'étaient jamais imaginé le Dieu très saint dans ce rôle intime de Père. Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley poursuit sa série en nous rappelant que nous aussi, nous avons reçu ce privilège de connaître Dieu comme notre Père. Dieu se révèle à nous comme un Père rempli d'amour. Nous examinerons aujourd'hui comment il le fait. Voici Charles Stanley. Une des vérités les plus réconfortantes de la Bible est celle-ci. Nous pouvons connaître Dieu comme notre Père. Je vous propose de réfléchir pendant quelques instants à la façon dont Dieu exprime sa paternité. À vrai dire, Dieu agit envers ses enfants comme un père normal agirait avec ses enfants. Et pendant que nous réfléchissons à ce concept de paternité, nous devrions garder deux idées en tête. Premièrement, nous parlons de notre relation avec Dieu et de la manière dont il exprime sa paternité envers nous. Et deuxièmement, vous êtes appelé à exprimer votre paternité envers vos fils et vos filles de la même façon. Si vous avez des enfants ou avez l'intention d'en avoir, je vous invite à noter les éléments que je vous donne sur un bout de papier ou ailleurs. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, car aujourd'hui, une mère est souvent appelée à jouer également le rôle du père avec ses enfants. Vous réussirez à élever convenablement vos enfants dans la mesure où votre attitude avec eux reflète l'attitude de Dieu envers vous. Si vous voulez être un bon père, voici le modèle proposé par Dieu. Ne pensez-vous pas que le fait de savoir que ce modèle vient de Dieu lui confère une importance spéciale? Nous connaissons Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Et c'est là la marque distinctive du christianisme. Vous ne trouverez dans aucune autre religion un Dieu qui se soucie autant d'entretenir une relation d'intimité avec ses créatures. Dans toute la Bible, nous voyons un Dieu qui tend la main vers une humanité rebelle. Écoutez comment ce magnifique Dieu, qui est le nôtre, désire exprimer sa paternité. En premier lieu, Dieu désire entretenir une relation intime avec nous. C'est pourquoi il nous autorise à nous adresser à lui en l'appelant notre Père. Il ne se contente donc pas de se faire connaître à nous en tant que Dieu, en tant que souverain de l'univers, en tant qu'être très saint et en tant que juge. Non, il désire également se faire connaître en tant que Père. L'enfant de Dieu, conscient d'appartenir à Dieu, peut ressentir sa proximité, sa chaleur dans ses temps de prière. Dans de telles conditions, comment la prière pourrait-elle être un devoir ou même un fardeau? Elle devient au contraire un moment de paix, de repos, pendant lequel nous pouvons nous réfugier dans les bras de notre Père. Peu importe que vous soyez assis ou à genoux dans la présence de Dieu, il s'agit ici d'être seul avec lui, tranquille, à lire sa parole et à écouter sa voix. Et que fait Dieu pendant ce temps? Il s'approche de vous, il vous révèle sa présence. Il se dévoile. Il vous aime assez pour désirer entretenir une relation avec vous. Il désire vous rencontrer quand vous êtes tranquille et que vous voulez lui parler. Il désire vous rencontrer quand vous êtes disposé à l'écouter dans le silence. Il désire vous rencontrer quand vous voulez vous associer avec lui, communier avec lui et faire un avec lui. Dieu désire entretenir une relation intime avec vous. La seule façon d'amener Dieu à faire preuve de transparence avec moi est d'être transparent avec lui et de lui déclarer, par exemple, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lui ouvrir mon cœur. Seigneur, je me sens faible devant cette tentation. Qu'est-ce que je viens de faire? De lui ouvrir mon cœur une autre fois. Seigneur, ce n'était pas gentil de lui dire cela. « Je suis transparent devant mon Dieu. » Et que fait Dieu à ce moment? Il devient transparent à son tour. Il me dit, « Je comprends ta faiblesse. Elle ne me surprend pas. Elle ne me déçoit pas. Ou encore, je te pardonne pour ce que tu as fait à cette personne. » Dieu répond à nos besoins. Le merveilleux privilège de vraiment connaître Dieu implique que nous pouvons le connaître intimement. En second lieu, nous devons nous rappeler que connaître Dieu comme notre Père est un privilège. Dieu est un Père qui désire communiquer avec nous. Un jour, alors que Jésus terminait son temps de prière, un de ses disciples s'est approché de lui en disant, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et devant leur désir de parler au Père et de converser avec lui, Jésus leur a répondu au verset suivant et leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et ensuite, il leur a enseigné comment faire part à Dieu de leurs besoins physiques et spirituels, au verset 3 et 4. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. » Dieu connaît nos besoins, mais il veut que nous les admettions et que nous les reconnaissions, car lui seul peut les satisfaire totalement et parfaitement. J'aimerais attirer votre attention sur quelques autres passages très importants. Dans le prochain, Jésus nous enseigne le jeûne et la prière. Tournons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Que veut-il nous faire comprendre? Simplement que Dieu nous entend, là où nous sommes. Nous pouvons communiquer avec notre Père, il nous entend. Et nous pouvons être certains qu'il répondra à notre prière, comme lui seul peut le faire, même si parfois sa réponse ne correspond pas à nos attentes. Nous pouvons donc nous réjouir de connaître un Dieu à qui nous pouvons parler, avec lequel nous pouvons entrer en relation. Nous lui parlons et il nous écoute. Il n'aimera peut-être pas tout ce que nous avons à lui raconter. Il ne répondra peut-être pas à toutes nos prières comme nous l'avions prévu. Et parfois c'est tant mieux, car nous demandons parfois des choses qui nous seraient nuisibles à long terme. Or, nous avons un Dieu dont la sagesse omnisciente prévoit tout, et nous pouvons être certains que sa réponse à notre prière est la meilleure pour nous. Avez-vous déjà réalisé comme il est réconfortant de connaître Dieu comme notre Père, de savoir que nous pouvons cultiver une relation intime avec lui, que nous pouvons communiquer avec lui et qu'il nous aime inconditionnellement? Si Dieu posait ses conditions avant de nous aimer, cela comporterait de graves conséquences. Rappelons-nous qu'il est omniscient. Il sait donc tout de nous, car nous sommes continuellement devant lui. Il possède une sagesse parfaite. Il connaît donc tout de nous. Or, s'il ne nous aime pas inconditionnellement, comment savoir quand il nous aime et quand il ne nous aime pas? Si nous devons répondre à certaines conditions pour qu'il nous aime, dites-moi, quelles sont ces conditions? Quelle serait cette norme qui nous rendrait acceptable devant Dieu? Heureusement, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, car il est dans la nature de Dieu d'aimer. Il aime l'homme pécheur et il aime le saint homme. Quelle est la différence entre les deux? Si nous sommes tous nés dans le péché, comme l'affirme Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comment pouvons-nous alors passer d'un état de péché à un état de sainteté? Dire que nous pouvons arriver à plaire à Dieu en accumulant les bonnes actions revient à sous-estimer gravement notre péché d'une part et à sous-estimer d'une part à quel point le péché est intolérable aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais ce que Jésus-Christ a fait pour nous en mourant sur la croix pour nos péchés qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. La seule différence entre les deux, c'est que le pécheur est demeuré dans une position où il ne peut pas expérimenter, récolter et profiter des largesses d'un Dieu qui l'aime malgré tout. Dieu ne bénira pas un incroyant, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la rébellion, comme il bénira une personne qui lui obéit. Car elle sait à quel point Dieu l'a aimée, au point d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour elle. Notre libération du péché n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de notre conduite. Elle est inconditionnelle et parfaite, car elle vient de Dieu. Nous, croyants, jouissons donc du merveilleux privilège de connaître Dieu intimement et de communiquer avec lui, avec celui qui nous aime parfaitement, comme l'apôtre Jean le décrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Retournons un moment dans l'Évangile selon Matthieu. Jésus-Christ, avant de nous enseigner comment prier notre Père, déclare sur lui, au chapitre 6, verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu soit loué! Quand nous venons à lui, nous n'avons pas à le mettre au courant des derniers développements de notre situation. Il connaît nos besoins avant notre demande. J'irais même jusqu'à affirmer que Dieu connaît nos besoins avant nous. » Poursuivons notre lecture dans le 6e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, au verset 25. Jésus nous parle ici de la façon dont Dieu répond à nos besoins. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et il nous explique pourquoi au verset suivant. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si notre Père céleste prend soin des oiseaux, qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, à plus forte raison, ne prendra-t-il pas soin de nous? N'avons-nous pas un Père extraordinaire? À chaque fois que nous éprouvons un besoin, il le connaît déjà, et il s'en est déjà occupé. Il ne répond pas toujours à nos besoins comme nous le prévoyons, ou comme nous aimerions qu'il le fasse. La Bible ne prétend jamais que Dieu est tenu de répondre à nos besoins comme nous le voulons ou quand nous le voulons. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Vous avez un besoin? Demandez à Dieu d'y répondre. De toute façon, il le connaît déjà. Il est disposé à y répondre. Pourquoi? Parce que s'il prend soin des oiseaux et des fleurs des champs, il prendra soin de vous. Quel Père magnifique nous avons! Quand nous profitons de cette relation intime avec lui, nous pouvons communiquer avec lui. Et comme il nous aime inconditionnellement, il pourvoit à tous nos besoins. Entretenez-vous une relation intime avec vos enfants? Pouvez-vous communiquer avec eux? Les aimez-vous d'une manière inconditionnelle? Et peut-être, la question la plus importante, vos enfants savent-ils, sentent-ils et croient-ils vraiment que vous les aimez d'une manière inconditionnelle? Il ne s'agit pas simplement de savoir s'ils sont conscients de notre amour, mais de savoir comment ils le perçoivent. Faites-vous de votre mieux pour répondre à leurs besoins? Connaissez-vous leurs plus grands besoins? Leur plus grand besoin est d'avoir un Père sanctifié qui peut les former en leur inculquant les principes des Écritures, ce qui leur servira plus tard pour qu'ils vivent profondément ancrés dans l'Évangile de Jésus-Christ. Peu importe ce qui leur arrivera plus tard, ils sauront qu'ils peuvent compter sur leur Père céleste qui les aidera dans leur marche quotidienne. Car, soyons réalistes, même si nous aimons sincèrement nos enfants, nous ne pouvons pas leur promettre que nous serons toujours à leur côté. Nous pouvons pourvoir à leurs besoins, mais nous ne pouvons pas toujours être là. Cependant, une des promesses les plus fantastiques de toute la Bible est la suivante. Nous avons un Dieu rempli d'amour qui sera toujours auprès de nous. Regardons comment le roi David a rappelé les promesses de Dieu à son fils Salomon. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Quelle merveilleuse assurance nous avons en ce Père céleste rempli d'amour et avec qui nous pouvons communiquer. Nous pouvons entretenir une relation intime avec lui. Nous sommes aimés inconditionnellement, peu importe ce qui nous arrive ou ce que nous faisons. Aucun parent au monde ne peut émettre ce genre de garantie à son enfant. Pourquoi? Car nous ne pouvons pas toujours être auprès de nos enfants. Toutefois, j'aimerais vous raconter comment vous pouvez tout de même être toujours avec eux dans un sens. Pour cela, je vais vous expliquer comment ma mère est encore présente auprès de moi, même si elle est morte depuis longtemps et qu'elle est maintenant au ciel. Quand j'étais un petit enfant, elle s'agenouillait à côté de mon lit, à l'heure de mon coucher. Et chaque soir, elle priait pour moi. Je me rappelle encore sa voix prononcer mon nom pendant qu'elle parlait de moi à notre Père. Je me souviens encore de la compassion, de l'amour et du souci sincère qu'elle éprouvait pour moi. Je me rappelle encore des choses qu'elle me disait de faire. Je me rappelle encore des choses qu'elle me disait de ne pas faire. J'avais environ 18 ans lorsque j'ai quitté la maison pour entreprendre des études supérieures. Or, je n'ai jamais été séparé de l'amour de ma mère. Je ne me suis jamais éloigné de ses encouragements à faire de mon mieux et à donner tout ce que j'avais. Je n'ai jamais oublié les choses simples qu'elle m'enseignait. Elle n'avait pas grand-chose à m'apprendre sur Dieu, mais ce qu'elle m'a appris était suffisant. Elle a mis en moi la pensée que si je voulais ce que Dieu pouvait me donner de meilleur au cours de ma vie, je devais lui obéir. Un jour, vos enfants quitteront la maison. Or, avant cela, vous pouvez discuter avec eux et leur inculquer ce que vous connaissez de votre Père rempli d'amour. Et vous pouvez le faire d'une façon telle que votre enfant ne pourra jamais s'éloigner de vous. Je ne saurais exagérer l'importance de ce que je vous dis. Connaître Dieu comme mon Père céleste est une des choses les plus merveilleuses que je puisse vivre, et cela même quand il doit se résoudre à me corriger. Car Dieu doit parfois discipliner ses enfants. Nous pouvons voir l'importance de cet aspect du caractère de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 9. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le fait que Dieu nous corrige prouve que nous sommes ses enfants. Nous pouvons nous attendre à ce genre de choses de la part d'un père. Que fera un enfant qui n'a jamais eu à subir les conséquences de ses actions une fois rendu à l'âge adulte? Nous en voyons assez souvent le résultat autour de nous. Si votre enfant vous désobéit, votre responsabilité est de le corriger, car vous devrez rendre compte de sa vie devant Dieu. Vous devez imposer votre discipline avec amour, dans le seul but de le prémunir contre toute récidive de désobéissance, comme nous le rappelle Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? devons-nous être surpris lorsque des enfants qui n'ont jamais été corrigés par leur père sombrent dans la délinquance? Non. Au contraire, il fallait s'y attendre. Si vous ne savez pas où ils sont, si vous ne savez pas ce qu'ils font, si vous leur donnez l'impression que vous ne leur accordez aucune importance, vous subirez les conséquences. Si vous leur donnez l'impression que vous êtes trop occupé pour eux en faisant ce genre d'allusion, « Après tout, je te donne tout ce que tu as besoin pour vivre, alors ne me dérange pas. » Ne soyez pas surpris des résultats. Qu'espérerez-vous à part de ce que vous méritez? Or, la Bible affirme que les enfants respectent les parents qui les corrigent. Poursuivons maintenant notre lecture au verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quand un père rempli d'amour nous corrige, ce n'est pas toujours agréable, et nous n'aimons pas toujours cela. Parfois, nous voulons nous enfuir, nous désirons nous échapper. Or, rappelez-vous que le châtiment de Dieu a toujours comme but final notre bien. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Connaissez-vous le but de la discipline? C'est de nous entraîner. Nous nous entraînons à la maison, nous nous entraînons à obéir. Et si les enfants sont habitués à être redevables à leurs parents, il leur sera facile de l'être aussi à Dieu. Je crois qu'il existe un principe qui devrait être inculqué à tous les enfants avant qu'ils quittent la maison. Ils devraient tous savoir qu'ils sont redevables à Dieu de leur vie. Et ils devraient se souvenir qu'un jour, ils devront lui rendre compte de ce qu'ils auront fait de leur vie. Que nous soyons dans nos foyers ou à l'extérieur, nous sommes redevables à Dieu de notre vie, de notre conduite, de notre comportement, de notre attitude, de nos actions. Nous sommes les obligés de Dieu pour toutes ces choses. Quand une jeune personne quitte la maison en portant ce principe dans son cœur, cela lui épargnera beaucoup de problèmes. Avant de terminer, j'aimerais le réitérer. Nous avons un Père merveilleux et rempli d'amour. Quel privilège nous avons de le connaître! Quel privilège de connaître ce Père céleste qui nous guidera toujours dans la bonne direction et qui nous donnera toujours un bon conseil. Votre Père, mon Père, notre Père céleste, ne nous induira jamais en erreur. Il est en effet écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 3, « Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » J'aimerais vous citer également deux versets qui figurent parmi mes préférés. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Considérez ceci. Nous avons un Père merveilleux et rempli d'amour. Ne devrions-nous pas apprendre à mieux le connaître? Nous pouvons ainsi profiter d'une relation intime avec lui, communiquer avec lui, faire l'expérience de son amour inconditionnel, ressentir sa présence et voir nos besoins satisfaits. Or, Dieu est aussi un Père qui peut nous corriger quand le besoin se fait sentir. Nous sommes certains d'une chose, il nous conduira toujours sur le droit chemin. Voilà donc le genre de Dieu que nous avons. N'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il est avantageux d'être en mesure d'appeler Dieu notre Père céleste? Aussi, si vous aimeriez le faire, mais que vous ne savez pas comment, écoutez-moi durant la prochaine minute pour y parvenir. Vous n'avez qu'à confesser vos péchés devant Dieu, accepter personnellement son Fils Jésus-Christ comme votre Sauveur et lui dire « Je te demande, Père, de pardonner mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je lui fais confiance pour obtenir le pardon de mes péchés. Je te demande de me sauver et de faire de moi un de tes enfants. » Dieu répondra à cette prière au moment même où vous la lui adresserez. Si vous avez fait cette prière il y a quelques secondes ou il y a de cela 50 ans, vous savez que nous avons le privilège immense de vivre dans la présence de ce Père rempli d'amour. Prions. Père, nous te sommes très reconnaissants d'être ce genre de Dieu. Un Dieu rempli d'amour. Je prie que le Saint-Esprit érige ces vérités en chacun de nous, qu'il les établisse et qu'il les enracine tellement profondément en nous qu'elles porteront sans cesse du fruit. Je prie pour que, chaque fois que nous dirigeons nos pensées vers toi, nous soyons capables de dire avec assurance que tu es notre Père, en sachant que tu nous écoutes et que tu nous répondras. Père Céleste, s'il y a parmi les auditeurs aujourd'hui un père ou une mère qui a écouté cette émission en pensant qu'il ou qu'elle a échoué lamentablement, je te prie, ô Dieu puissant, en amour, de ne pas les laisser se décourager, mais de leur donner la force de travailler dès aujourd'hui sur chacun de ces aspects de ton amour, afin que leurs enfants te connaissent, croient en toi et expérimentent quel père tu es. Que ces enfants ne puissent jamais échapper à ce Père ou à cette Mère sanctifiée et à ce qu'ils auront appris d'eux concernant le seul et unique Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, amen. Charles Stanley nous a exhortés à mieux connaître notre Père Céleste, et la meilleure façon d'y parvenir est d'étudier régulièrement la parole de Dieu. Si vous comptez commencer, il est toujours recommandable de débuter votre lecture par l'Évangile de Jean, car il nous livre un portrait intime de la personne de Jésus-Christ. Et rappelons-nous que connaître Jésus-Christ équivaut à connaître Dieu. Peu importe où nous en sommes dans la vie, nous devons rechercher la direction de Dieu. Lisons le psaume 119, versets 9 à 12. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.